Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Jean-Antoine Rioux nous parlera de ce qui se passe à l'extérieur dans la chronique du Club Télère et QTR. Et Stéphanie nous expliquera les phrases qu'on utilise à tort et à travers dans sa plus simple expression. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 18 novembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut Stéphanie. Salut Mathieu. Hey, hein, quel beau matin, hein. Ça part, je te dirais que ça part le goût de retourner se coucher. C'est ça, ça part tard, premièrement, et en plus, ça part de bonne heure, j'espère, pour vous à la maison, parce que pour vrai, je suis parti 3 minutes à l'avance de la maison en me disant, ah, c'était en masse 3 minutes de lousse. Non, pas grave. Moi, c'est juste mon réveil qui m'a pas réveillé. Tu sais, c'est un peu sa seule job. Sa fonction principale? Ben, sa deuxième, c'est d'être beau. Je l'ai quand même choisi parce que je trouvais l'application super belle. Tellement de filles. Mais, pardon. Ah, pardon, j'ai fait la même chose. Si quelqu'un choisit ses applications pour le look, c'est bien monsieur devant moi. Monsieur, les apparences, monsieur. Oui, monsieur, parce que juste monsieur en apparence, hein. Ah, OK. Quoi? Non? OK. T'es un peu fifille. Ah, merci. Oui, merci, je m'assume tellement là-dedans. Bref, bienvenue à vous à la maison. Bienvenue à toi, Steph. Merci. C'est glissant, c'est venteux, vous le savez déjà, pas besoin de vous le dire. Donc, parlons du plan d'aujourd'hui, Steph, à l'émission Assemblage requis. On a Charles-Antoine Rioux à 8h avec sa chronique du Club plein air et QTR. S'il y a quelqu'un qui sait de ce que c'est d'être dehors et d'avoir froid et de glisser et de pouvoir arrêter de bouger, tu bouges tout seul parce que c'est tellement glissant. C'est Charles-Antoine Rioux, il va être là à 8h pour nous en parler, sûrement de son matin, de ses péripéties. Penses-tu? Si, il sera! C'est vrai que j'ai oublié le facteur de, en ce moment. Le facteur vent. Le facteur vent, c'est ça. Ensuite... On va voir à 9h ta chronique à toi, sa plus simple expression. Oui. Où on parle d'expressions connues à la vie de tous les jours. On les analyse, on les explique, on les utilise. Surtout l'origine. C'est ça. Vous saviez? Toujours. Hein, toujours. Ouais. Toujours par thématique en plus, on va faire ça. À date, oui. Oui. Mais à un moment donné, ça va être thématique. Pige un mot dans le chapeau. C'est ça, pige. Ça va être au hasard. Autour de ça, les chroniques maison, comme une grosse pointe en dresse qu'on va faire à 8h30. J'ai amené mon produit, soit d'épicerie, de dépanneur et autres trucs pas de classe. De dépanneur de Canadian Tire. C'est ça. Mettons, peut-être. Peut-être que. Peut-être, pas d'indice, pas d'indice. Ouais, j'ai failli. Ben, c'est ça. J'ai failli en avoir. Failli donner un indice, mais non, c'est pas moi ça, donner des indices comme ça. Et d'autres affaires, là, des trucs traditionnels, comme son foutu palmarès qui va débuter l'émission en quelques instants. Et aussi, le retour aujourd'hui d'une de mes chroniques préférées qu'on faisait pendant un bout de temps. C'est une chronique à série limitée, je dirais, qu'on attend d'en accumuler avant de la recommencer. Et là, je pense qu'on est dû pour un petit, une petite session et demie de la chronique Les paroles des autres. Oh! Tantôt. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. On n'avait rien de nouveau à mettre dedans. Donc, on vous parlera de ce que ça veut dire, de quoi il en retourne tout à l'heure. Génial. Mais avant ça, je pense que pour essayer de se dégourdir un petit peu les joues, on va écouter une petite pièce de Bar Brothers. C'est super relax. Ça fit vraiment bien avec ce matin. C'est sur l'album Sleeping Operator. Voici leur extrait. Even the darkness has harm. Has harms. Has arms. Je suis contente de ne pas l'avoir dit. C'est dur, hein? Even the darkness has arms. 89 FM, c'est fou. Bon matin. Oui. Ouais. I was holding my breath when the tightrope walker slipped and in the moon glow, saying all my children follow me. Maybe it's time to go. You can be chrome when you're wise. You can be wise when you're blue. And maybe if I had, then I had for you. Bribing the jury to keep me in jail, singing tea for the tiller man. And although I lie fantastically, I swore an oath in my history. It's a miracle I can see. You can be wrong when you're right, even when you're right on cue. And if I die tonight, then I'd die for you. Calling on those that call me son, great-grandson or grandson, great-uncles, aunts and relatives, to judge what I have done. Gonna make it right by you, even if it's all I do. And if it's all I do, then I do for you. chaotically. Hurts no one but me. Even the darkness has armor, but they ain't got you. Maybe I have it, and I have you too. And a light in the window to pass the night through. Maybe so uncertain, what can I do? Keeping it on, keeping it on. And I know I like it, but what's that prove? Sometimes I worry, I don't know how to love. Brothers, c'était la pièce Even the Darkness Has Arms sur leur album Sleeping Operator. C'est le deuxième extrait de cet album-là. Les frères poissons. Les frères poissons. Tu m'as appris qu'un bar, c'est un poisson. Oui. Ça vient de là? C'est le pas... bar du Chili. Non, je pense pas. Ça va pas. Mais le bar du Chili, il est en voie d'extinction. Oh, pauvre petite boy. On fera pas la liste des poissons en voie de disparition. Ce serait un petit peu long et pas super intéressant. C'est ça. Le thon. Mais pas tous les types de thons. C'est son foutu pommarel. Je Ça prendra sûrement la longueur de l'intro de temps pour refaire l'intro pour qu'elle soit plus courte. Est-ce que je vais le faire? Je ne penserais pas. T'sais. Ben non. Ça prendrait bien gros que je le fasse. Ben non. C'est parfait comme ça, 40 secondes. Donc, c'est son petit peu marrant, c'est la chronique où on établit une liste en fait sur un sujet bien précis. Et commençons aujourd'hui avec une liste, Steph, des secrets de parcs et thématiques ou parcs d'amusement de la part de gens qui travaillent là-bas. Ah, intéressant. Ouais, ça a l'air le fun. En fait, c'est sur reddit.com. C'est le site d'où partent tous les memes et modes trends d'Internet, reddit.com. Et ils font des Ask Me Anything. Donc, une personnalité ou une personne qui a un emploi quelconque peut répondre à des questions de la communauté. Et ça donne des fois des résultats assez intéressants, des choses qu'on connaît pas. Donc, il y a des faits sur les parcs thématiques. Commençons par les princesses de Disney qui doivent être de bonnes menteuses. C'est brise donc la magie. Ah, tant qu'à ça. Hey, je te casse ça. Pour être un personnage dont on voit le visage et non pas juste un costume qui fait le corps au complet, ça c'est une chose, tu parles pas puis il se passe rien. Mais quand on voit ton visage, il faut que tu sois vraiment le personnage parce que les enfants ont une illusion à maintenir. Dans le fond, il faut maintenir l'illusion envers les enfants. Donc il faut être rapide, il faut être bon patineur de vitesse. Et une membre de la distribution qui jouait le rôle de Mulan, un truc. Un enfant lui a demandé de parler chinois. Une fois de temps en temps, c'est déjà arrivé. Donc, elle répondait « Je suis certain que... j'ai gagé à Mouchou que je pourrais passer toute une journée sans parler chinois. » Et il a dit qu'il nourrirait les poulets pour moi demain. Moi, j'ai pas vu Mulan, donc je peux pas savoir de quoi ça a rapport. Donc, la même femme a joué Silver Mist, un autre rose, c'est une fée. Lorsque l'enfant lui a demandé de voler, elle a dit « Je garde ma poussière Pixie Dust pour plus tard. » Donc, il faut qu'elle soit rapide pour les enfants. Mais j'imagine qu'à un moment donné, il y a des questions qui reviennent. Elle peut réutiliser les réponses. Des classiques. Mais c'est sûr que des fois, ils doivent être un peu pris de court. Sûrement. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, tu te débrouilles et t'es une improvisatrice hors pair. Certainement, c'est pour ça qu'ils t'engagent, en fait. Ensuite, il y a pas de. En fait, il y a un stationnement spécial pour se rendre jusqu'à Disney World pour les employés. Donc, les employés des parcs de Disney doivent entrer par le même stationnement que tout le monde. Donc, se stationne avec tout le monde. Ils montrent une carte d'identité à la personne qui s'occupe du stationnement. Donc, ils entrent gratuitement. Mais ils ont un gigantesque stationnement pour les membres de l'équipe qui il va y avoir une navette pour les amener jusqu'au souterrain où se passent les trucs derrière le rideau de Disney. Donc, ils se stationnent en stationnement normal. Il y a une navette qui les amène au stationnement spécial. Pas au stationnement spécial, mais à la place spéciale où ils travaillent. Voilà. Cool. Pourquoi c'est une photo de Barney? De Barney de How I Met Your Mother. Et non, Barney de McDo. Non. Barney de... Ouais. Mais il était tout le temps chez McDo. C'est ouais. Barney dans How I Met Your Mother. Non. Ouais. Il était tout le temps chez McDo. Ah ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Ensuite, les manèges sont vérifiés à tous les jours. Donc, le département des manèges de chez Six Flags. Les employés, dans le fond... Ils font un tour. Puis si ça pète, ils ouvrent pas le... C'est sûrement ça. Hein? Mais oui, donc, il y a des employés qui se promènent vraiment dans les manèges et il y a de la maintenance, une équipe de maintenance, de conciergerie tous les jours. Selon l'employé, la maintenance est requise tous les jours avant qu'on puisse opérer les manèges et que les personnes puissent monter à bord. Ils inspectent les pistes, les rails et tout ça, les véhicules, les systèmes de sécurité et tout ça avant de donner ça à l'équipe des opérations qui, eux, vont pouvoir démarrer. Le reste pour les fans, les enfants, les adultes. Ensuite, il n'y a pas tant de vomi que ça, apparemment. Ah! Non. Un ancien employé de Six Flags nous explique que les gens ne vomissent pas autant qu'on le pense. Il travaillait dans un manège qui s'appelle Wonder Woman's Lasso of Truth. Ah, c'était une roue tournante là, qui pitchait les gens contre le mur, presque. Les gens vomissaient un peu, mais vraiment pas tant que ça. Donc, il y avait un nettoyer, mais c'était pas... C'est pas obscène comme nombre de vous. Ensuite, les opérateurs des manèges doivent écouter les mêmes chansons encore et encore. Une personne qui travaillait au Top Thrill Dragster de Cedar Point devait écouter la chanson Ready to Go. Je connais pas cette chanson-là, mais quand même Ready to Go. En boucle, tous les jours. Et les gestionnaires, les gérants, les hauts placés du parc d'amusement demandaient souvent aux employés leur demande spéciale. Sauf que les chansons finissaient jamais par jouer, on dirait. Pour vrai? Ils disaient, c'est tout le temps Ready to Go, même si tu demandais autre chose. Mais bon. Les gens demandent souvent s'ils vont mourir dans le manège. Lorsqu'ils ont ouvert en 2003, le Top Thrill Dragster était le manège le plus élevé au monde, à 420 pieds de hauteur. Et son opérateur recevait souvent la question « Est-ce que je vais mourir? » Donc, il devait les rassurer en disant, et je cite, « C'est certainement plus sécuritaire que votre douche, votre bain et votre voiture. » Ah, c'est bien ça. Le Top Thrill. C'est une bonne réponse. Ouais, c'est pas pire, ça a l'air vrai. On sait. Est-ce que t'as les chiffres pour prouver ça? Certainement pas. Mais si tu le dis, je te crois. T'sais. Mais je suis certaine qu'il y a plus de gens qui tombent dans leur bain et qui se pètent la tête. Oui, parce qu'ils faisaient des toasts avec leur grille-pain branché à côté du bain. J'ai pas dit qu'ils s'électrocutaient. Ça peut être ça. Moi, ça serait ça mon problème. Faut être maillé. ils ont pas le droit de parler aux gens qui menacent une poursuite. Ah. Donc, un Redditor sur Reddit.com a demandé à un employé de Six Flags combien de gens se plaignaient d'avoir eu de fausses blessures lors de leur promenade dans ces manèges-là. S'ils demandaient de poursuivre, qu'est-ce qui se passait? Donc, c'est apparemment pas une très bonne stratégie. Lorsque quelqu'un menace de poursuivre Six Flags, les employés doivent arrêter de parler à cette personne-là et appeler la sécurité immédiatement. Mais c'est parfait, ça. Ben oui. Des fous, man. Parce que si l'employé répond quelque chose, ça peut être pris contre lui. Exactement. Peu importe ce qu'il répond, donc faut faire attention. Exact. Ils doivent avoir de l'eau, les employés, avec eux en tout temps à Walt Disney World. C'est difficile, évidemment, de ne pas compatir avec les employés qui travaillent en Floride, mettons, dans des climats vraiment très, très chauds. Donc, il y a un ancien concierge, en fait, chez Disney World, qui dit qu'ils sont forcés à avoir une bouteille d'eau avec eux en tout temps. C'est une règle, un règlement. S'ils se font prendre 100 bouteilles d'eau, j'imagine qu'il y a des réprimandes. Parce qu'ils veulent pas avoir, encore une fois, j'imagine des poursuites contre eux, de déshydratation et que je sais pas trop quoi. Là, les photographes vont souvent se faire prendre en photo eux-mêmes. Donc, il y a des photographes à Kings Island qui qui se sont fait demander sur Reddit, encore une fois, s'il y avait des gens qui avaient reviré la situation de bord pour se faire prendre en photo eux-mêmes. Et oui, ça arrive au moins une fois par jour que le photographe se fasse prendre en photo. Quand même. C'est le fun. C'est original, hein? Une fois par jour, c'est original. OK. Les princesses de Disney font leur propre maquillage. Ah? Ouais. Chaque personnage a une routine de maquillage bien précise avec des couleurs particulières. Les actrices et acteurs doivent apprendre à faire leur propre maquillage lors de leur entraînement. Ben, j'imagine que ça serait vraiment très long de maquiller tout le monde. Hein? Ben, c'est ça. Il y aurait des employés à temps plein juste à faire le maquillage en même temps. Ça pourrait être une bonne idée aussi, mais bon. J'imagine qu'ils sauvent qu'ils économisent quelques postes. Mais souvent, les gens qui font ça, ce sont toujours des gens très, très, très artistiques. Ouais. Justement, ils font de l'improvisation, c'est ça. Et même, je pense, à la ronde, souvent, ils vont créer peut-être leur propre costume ou leur propre personnage. Donc, Et les gens qui travaillent à Disney World depuis le plus longtemps, mettons, ont plus le droit de dire ce qu'ils pensent de leur travail. Donc, selon un ancien membre de la distribution, il y a une hiérarchie chez les gens qui travaillent là-bas. Donc, deux fois par année environ, ils vont faire ce qu'on appelle des bids, donc des mises. Ils peuvent demander où ils veulent travailler. Par exemple, bon, tu joues le rôle de Belle, tu as peut-être une préférence. Tu voudrais travailler au Epcot Center ou dans un des restaurants. Et si tu es là depuis plus longtemps, tu vas avoir de meilleures chances d'avoir ce que tu veux parce que tes mises valent plus, dans le fond, que les autres. Hein. Ben, c'est bien l'ancienneté. L'ancienneté, exactement. Et vers l'époque ou le moment de l'année où il va y avoir les mises, on entend parler beaucoup à Disney World, d'en parler les pauses de qui va avoir là, telle place. Puis eux autres sont pas depuis longtemps, fait qu'ils n'auront pas les rôles qu'ils veulent. Du patinage, comme dans n'importe quel groupe de bureau. C'est ça. C'est cool, je trouve. On va continuer avec une autre liste tantôt. En fait, je pense qu'on pourrait y aller avec sûrement deux autres listes tantôt. Mais avant ça, on va continuer en musique un petit peu. Juste une petite pièce, une légère pièce que je te propose du côté francophone. Steph, c'est une nouvelle entrée de Le Couleur. J'aime beaucoup Le Couleur depuis très longtemps. Oui. Ils ont un nouvel album qui s'appelle Dolce Désir. Voici Concerto Rock au 89.1 FM. Après ça, sauf pas malaise. Part 2. Thank you. Le couleur et concerto rock, assemblage requis. Au retour, Jean-Antoine Rioux et la chronique du club plein air écouté. On manque de ça, de l'air et du vent aujourd'hui. Oui. Surtout entre tes deux oreilles. T'es drôle. C'est ça ton talent, t'es drôle. Fou de transformation. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. En ce mardi matin, on va parler de plein air dans quelques instants, mais avant de parler de plein air, hein, de s'emporter, de s'en aller, de goer en quelque part, go somewhere, à la place, on va juste OK goer, comme dans écouter de la musique de OK Go. Je te fais écouter une nouvelle pièce de l'album Hungry Ghost. T'as peut-être vu les vidéoclips pour I Won't Let You Down, qui est sorti récemment, celui de The Writings on the Wall cet été. Il y en a eu des comme ça. Et leur album est très varié. Il y a de la musique un petit peu plus pop, que j'aime un peu moins, mais quand même, c'est de la bonne pop. Et une balade, genre un petit peu, genre plus de filles. On dirait qu'il y a une balade par album pour que le chanteur Damien puisse aller dans la foule. Cruiser, c'est ça. Puis les filles aiment bien, bien ça. Moi, j'ai choisi une pièce qui est représentative de leur côté plus pop, étant donné que Bright As Your Eyes représente le côté plus mellow qu'on a dans le palmarès en ce moment. C'est la pièce qui est dans le palmarès. Donc, pour représenter le côté pop de OK Go et Hungry Ghosts, voici, et là, le titre est déjà très cliché, Turn Up The Radio. Turn up the radio and turn off the lights. I wanna fly as hell. I want the walls to melt. Cause now the world's turned down to stop. Fading all the brights and the babies and the mice. And I should've known the hammer drop. Cause something must be wrong and everything is right. Nothing's gonna stop us now. Yeah, nothing's gonna stop us now. So turn up the radio. Nothing's gonna stop us now. Yeah, nothing's gonna stop us now. So turn up the radio and turn off the lights. I want it loud as hell. I want the walls to melt. Cause I got to lose myself tonight. Yeah, I got to let it all go tonight. Yeah, I got to let it all go tonight. So turn up the radio and turn off the lights. OK Go et Turn Up the Radio à Assemblage Requis sur l'album Hungry Ghosts. Puis c'était parfait. Super bon, hein? Oh, j'aime ça. Ouais. Je te ferai entendre à un moment donné les petites comptines qui mettent. Des comptines? Des petites comptines, une petite chanson cute de. Comme j'ai deux yeux, tant mieux. C'est ça. Deux oreilles, c'est pareil. Et à fond, c'est le cover de Kigo avec la full bass. ce qui nous amène à la deuxième partie de Son Foutu Palmarès. Oui, malgré ce que vous avez entendu, c'est ça qui s'en vient. Donc, Son Foutu Palmarès, qui est la chronique où on établit une liste sur un sujet précis. Retournons-nous vers des rôtis. Des rôtis de porc? Non, des rôtis de pain. Ah, des rôtis, c'est des toasts. Des toasts, quoi de plus réconfortant lors d'une journée froide, venteuse, que des toasts? Du chocolat chaud. Mais avec des toasts. Non, avec des biscuits. Et des toasts, aussi. Essaye pas. Il n'y a rien de réconfortant dans des toasts. Mais peut-être que tu pourrais nous le rendre réconfortant. Ben, je vais essayer de te rendre ça réconfortant en te montrant, en fait, en te parlant de grille-pain extrême pour vos rôtis le matin. Okay. Ça va être de la pertinence, là, tu ne croiras pas tes yeux. donc, du pain croustillant, c'est bien le fun pour tenir peut-être son beurre, je sais pas, sa confiture, hein, peu importe. Ça peut être un BLT, ça peut être à peu près n'importe quoi. De mayonnaise, c'est toujours bon de mayonnaise, mais ici, on a des grille-pains artistiques pour rendre le tout plus intéressant visuellement. Oh. Le goût changera pas, mais le visuel va être différent. C'est encore drôle. Ouais, je sais pas. Commençons avec un grille-pain en forme de V. C'est comme le poste de TV. Exactement. C'est la face d'Éric Salvaille partout, dans toutes vos toasts, comme dans toutes les émissions à V. Donc, Zil Lazarovitch de Cargo Collective nous invente un grille-pain qui fait des rôtis en forme de V. Pourquoi est-ce qu'on voudrait des rôtis en forme de V? Ben, probablement pour empêcher les trucs de tomber de ta toast ses côtés, hein? Non, mais ça se ramasse tout dans le milieu. Ben, moi, c'est ce que j'en pense. Ben, tu peux pas mettre de la confiture, mais du beurre de peanuts, ça tient. Ouais. Du beurre, ça va s'imprégner dans le pain. Et tu vas peut-être avoir une petite coulisse de beurre dans le milieu, ce qui va être encore meilleur. Ouais, ouais. Hein? Donc, moi, j'aimerais ça. Et en plus, c'est qu'après ça, ben, un peu comme des toasts, je te dirais, ça s'empile assez bien déjà. Mais en V, ça s'empile encore mieux. On dirait des tacos. Des tacos, oui. Ça manque de bœuf haché, je trouve. Non. Non? Non. Non. Non. Ensuite, le grille-pain Ness. Pas Ness comme hein? Nessie, le monstre du Loch Ness. Non, non, Nescafé? Non. Nescafé? Non plus. Non, Ness comme la Nintendo Entertainment System, Steph. Ben, je te le dis. C'est un membre de DeviantArt.com, My Burning Eyes. Il a construit littéralement avec une vraie console ce grille-pain à l'intérieur d'une console de jeux vidéo, Ness. Donc, il invite les amis à la maison. Ils jouent avec leur autre Ness, la vraie, parce que j'imagine que cela est plus fonctionnel après. Hein? Après j'imagine. Ça, ben, ils font des rôtis dans une console de jeu. Elle est sur le côté. Comme une Wii. Comme une Wii, avec la porte vers le haut. Ben oui. Et c'est de là que la rôtie va sortir, bien sûr. Et le bouton power molaire, comme là-dedans, molaire d'un bouton pour faire rôtir ta rôtie. C'est merveilleux, Est-ce ça? Que tu penses que le bouton reset, c'est pour l'éjecter? Probablement. J'espère qu'il a pensé à ça. Ou ta toast à flash bleu. Il faut que tu souffles dedans. C'est ça, exact. Ensuite, le grille-pain magnétoscope VHS. Ils ont fait la même chose qu'avec le Nintendo, un genre? Peu, mais avec la porte en avant, bien sûr, bien sûr. Donc, un VCR, un VHS. C'est plus comme un petit four, celui-là. Hein? Un tu rentres ta toast à l'horizontale. C'est vrai. T'as raison, je me demande si tu peux faire des mini-pizzas là-dedans aussi. Non, peut-être que tu peux faire qu'un petit four grille-pain. Il y a les instructions pour le faire vous-même, bande de chanceux, les petits requinous, sur instructables.com, le lien sur assemblagerequis.com. Il y a même une option, un ajout, un plugiciel, on pourrait dire, pour écrire les lettres VHS sur la toast. Ah, ben ça, c'est génial. À l'intérieur même du magnétoscope, c'est fantastique. Évidemment, le débat va continuer à savoir si le bêta est meilleur que le VHS pour les toasts aussi, mais ça. Ben, c'est clair que c'est le VHS. Clairement, parce que ça écrit dessus sur ta toast, c'est écrit VHS. Fait que ben, c'est ça. Ça le dit. Le grille-pain transparent maintenant. Okay. C'est Bugatti Noun d'Italie, qui est un grille-pain de haute technologie. Non seulement est-ce que c'est super beau, c'est fait de vitres céramiques. Et c'est couvert d'un film semi-conducteur qui peut se rendre jusqu'à 300 degrés Fahrenheit. Non seulement est-ce que ça fait des rôtis, mais en plus, on peut faire cuire de la viande et des légumes si on les met dans un sac de cuisson. Est-ce qu'on dit je vais dire le grille-pain, Bugatti Noun, qui est disponible seulement en Europe. On s'attend à ce que ça arrive sur le marché américain, et donc nord-américain, et donc probablement canadien, en 2015. Ça va vous coûter environ 1 000 $. Hein? Tellement utile. Tellement mais utile. C'est bien, tu peux suivre le processus de grillaison de tes rôtis. De grillitude, par exemple. Non, je préférais grillaison, mais je voulais juste te battre. Tu m'as pas battu. Pardon. Mais ce que je trouve plate, par contre, c'est que dans un faux grille-pain, mettons, la vitre ça salit comme en claquant des doigts. Ouais. Donc imagine si ton grippin au complet est fait en vitre, si ça doit être dur à laver, j'imagine. Mais pourquoi ça serait sale? Parce que t'as des miettes de rôti partout. Ben tu souffles dessus, puis il n'y en a plus. Peut-être. T'as sûrement raison. Mais ça, c'est pas comme si tu mettais ton beurre avant pour te faire un grilled cheese. Puis au moins, ouais. Puis au moins, les sacs de cuisson, si tu mets tes légumes et peut-être même un grilled cheese dans le sac de cuisson, ben, il n'y aura pas de dégâts parce que c'est dans un sac. Voilà. J'espère que ça va tenir la route, moi. Mais pour 1 000 $, c'est bien mieux d'être propre. Ben oui. Ensuite, celui-là, je connais un petit peu moins le référent, mais c'est le grippin de Loki, L-O-K-I. C'est un autre membre de DeviantArt, Tobias Dawson, qui, lui, fait des trucs avec du métal. Donc, il a modifié un grippin pour rajouter du métal partout dessus. Il a appelé ça le Toaster of Loki. C'est ça, c'est super doré, bling-bling. On dirait un cheval de Troie, presque. Mais le Loki, c'est pas c'est le frère méchant de Thor. Ah, tu vois. Ça a du sens de voir ça comme ça parce que c'est vraiment très, très. Je dirais, ça ressemble presque à du papier d'aluminium ou à genre un chocolat. Tu sais, du chocolat enveloppé dans du foil. Là. Ça ressemble à ça. C'est doré. Des pièces, c'est ce que je cherchais. En chocolat. Ça ressemble à ça de l'extérieur, mais avec un petit peu plus de classe. Et on dirait qu'il y a une petite tête de cheval sur le côté. Donc, ouais, je pourrais pas te dire exactement ce que ça représente. Là. Je connais pas assez. Ouais, moi non plus. Donc, passons au prochain qu'on connaît un petit peu plus. En fait, c'est la VW Volkswagen. Bien sûr, vous vous rappelez les petits minibus qu'on appelait aux États-Unis. Westphalia! Les microbus aussi. Donc, Volkswagen Japan, qui a sorti une édition limitée de ses grippins Volkswagen pour ses clients les plus loyaux. Donc, c'est une campagne promotionnelle. Et le plus récent dit seulement Volkswagen dessus, mais dans le passé, il y en avait qui étaient en forme de VW microbus. Et ça peut même griller, en fait. Ça va. Griller. T'as pas mal ben, ça peut griller si tu pèses sur le bouton. C'est ça, si tu fais pas de toast avec, ça grillera jamais le logo voilà. Volkswagen sur ta toast. Fait. Non. T'as juste à pas faire le toast avec si tu veux pas le logo. Alors, on peut le trouver sur eBay, bien sûr, pour cher. T'sais. Ouais, j'imagine. Pour le prix de cher. Ensuite, le grippin Darth Vader. Je pense que ça, c'est un classique. On l'a vu passer une fois de temps en temps, mais vos rôtis du côté sombre, si on veut. Dark Side of the Toast. Donc, c'est ça, c'est des grippins, tout ce qu'il y a de plus classique. Dans le temps, il y en avait qui avaient qui pouvaient imprimer le logo. Donc sur ta rôti, mais celui-là le fait en plus en forme de tête de Darth Vader en plus. Mais le problème, c'est que là, ça a l'air vraiment très, très, très grillé. Ouais. Où il y a le dessin de la tête, mais le reste, c'est pas cuit. Le reste, c'est du pain mou, c'est même pas une toast, c'est une tartine avec un milieu de toast. Ouais. C'est une tartine featuring toast. C'est comme featuring de Mr. Valor, c'est tout. Hein, vas-y. Mais tu fais juste ça une fois pour impressionner tes chums, ouais. Puis après ça, tu t'en sers plus. C'est beau sur le comptoir. Oui, ouais. Oui. On peut en commander un de Big Bad Toy Store, mais encore une fois, c'est pas un jouet. Là. C'est pas un jouet, c'est une œuvre d'art. Non, tu vas pas prendre ta douche avec. Non. Ensuite, celui-là, c'est, je crois, le plus connu du groupe. C'est le Selfie Toaster. Ben oui, c'est le grippin qui grille votre propre photo sur votre propre toast. C'est Vermont Novelty Toaster Corporation qui a créé ça. Et puis, on peut même faire imprimer sa photo directement sur le grippin. Donc, on a la photo de soi-même sur le grippin et sur sa toast. Moi, je pense qu'il faut être très écocentrique et nombriliste. Vraiment? Pour imprimer sa face sur ses toasts. Mais, t'es sûr de pas te faire voler? S'il y a ta face sur tes toasts, ouais. Tu peux pas dire « Ah! Tu sais, il y avait pas ta face dessus. Oui, il ouais. Y avait ma face dessus. Mange pas mes toasts. » Et c'est moins dangereux que se mettre du vrai beurre dans la vraie face. T'sais. Aussi. J'ai toujours voulu avoir du beurre chaud dans la face. Oui, pour certains fantasmes non avoués. C'est ça. Ensuite, la Dot Matrix Toaster. Je dirais, c'est un grippin. Donc, c'est le Zeus Toaster par Insect Design. C'est un petit électroménager avec ordinateur à l'intérieur et ça va passer votre pain comme dans une imprimante Dot Matrix dans le temps, c'est où les points étaient faits rangé par rangé pour faire imprimer ton affaire. En fait, ça se fait encore pas mal. Ben, aujourd'hui, c'est plus Dot Matrix, mais c'est une autre technologie. C'est voilà, par ligne, pareil. Et ça grille par pixel. Donc, il y a une mémoire à l'intérieur qui va avoir ton petit design de 12 par 12 pixels qu'on peut changer, évidemment. Et le Zeus Toaster n'est pas en production de masse, donc on peut pas l'acheter. Ça aurait été sûrement super cher. Mais ce que ça fait, c'est qu'étant donné que tu choisis ton design et qu'il y a le on ou le off, donc soit il y a un pixel grillé ou il l'est pas, ça fait encore une fois que tu as du pain mou là où il n'y a pas de pixel grillé. Ouais. Donc c'est pas super gagnant. Ça aurait probablement pas fonctionné. Mais c'est beau. C'est le Zeus Toaster. Un simple grippin, un simple toaster est le nom du prochain. Donc, si vous trouvez que les autres grippins étaient trop complexes, Adi Zafran ramène le tout aux bases de la vie avec ce grippin dans un bloc de ciment. C'est comme un, si on veut, un grippin à pita, On dirait un four à pain, Tu aurais besoin d'une grosse baguette de bois, c'est un peu le même principe. Ah, donc, c'est beau. C'est traditionnel avec un bloc de ciment et d'électricité qui fait juste réchauffer quelques petites barres. Et puis ça grille sur ça, le... Ça, je veux vraiment ça. Je trouve ça super cool. C'est super beau. Avec le côté en bois, c'est comme t'as le mélange du bois et du ciment. Ça fait c'est cool. Un complément. Ensuite, pour terminer, en fait, c'est le trébuchet toaster. Un trébuchet... Il te lance ta toast. Ben, il te lance ta toast et tu dois l'attraper au bon endroit. Mais c'est justement la twist qui est le fun. Donc, le trébuchet qui est une machine médiévale pour envoyer des objets... à distance, chez l'ennemi, bien sûr. À la version moderne, va envoyer les tranches de pain. Il y a un angle ajustable et tu peux paramétrer aussi la distance de lancer pour calculer à quel endroit ou comment l'envoyer le plus loin possible ou directement dans la bouche de quelqu'un, je ne sais pas. Oh my God. Ça ne fonctionne pas exactement sur le même principe que le trébuchet médiéval, mais le résultat est similaire. La rôti est envoyée. Et le concept fait partie d'un ensemble qui s'appelle le Brunch Collection du designer hollandais Ivo Vos. Un autre, donc dans le fond, c'est un truc qui va tenir ta tranche de pain pendant que tu coupes. Et ensuite, il y a un petit tapis qui va te dire où tu devrais mettre ton assiette et tes ustensiles pour vraiment viser correctement. T'as comme une place où tu peux placer ça, ton napperon, si on veut. Donc bref, il y a plein de concepts comme ça dans le Brunch Collection. Ça a l'air cool. Faut vraiment pas avoir grand-chose à faire. Mais il fait des toasts complètes. C'est vrai, grillé d'un bout à l'autre, comme une vraie rôtie. Mm-hmm. C'est ça qui est le résultat. Les autres donnaient des rôties spéciales, alors que lui, c'est le grille-pain qui est vraiment spécial. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de cuisson particulière. Bref, alors c'était la liste des grille-pains originaux. Retrouvez les photos et le reste sur assemblagerequis.com. Ben, quand même! Ouais. Moi, je pense qu'on devrait continuer avec un autre palmarès encore. Bien sûr. Parce qu'on n'a absolument rien d'autre à faire pour l'instant, tu sais. Mais avant ça... Une minuscule pause musicale. On va entendre Fanny Bloom avec un nouvel extrait du palmarès francophone sur son album Pan. Je crois que c'est son troisième. On a eu Sammy Sammy, on a eu Piscine. Et maintenant, on y va avec l'extrait qui se nomme Blanc, qu'on dédie à la journée d'aujourd'hui. C'est qu'il neige, hein? Ouais. J'espère qu'il neige pour les reprises aussi. Il va neiger tout le temps. Tout à son âge requis. Si tu veux reprendre le fil de nos sentiments, je te dirai sois prudent, mon amour à moi est grand. Si la maison brûle dans mes rêves souvent, c'est parce que j'ai Fanny Bloom et Blanc à Assemblage Requis. On était dans son foutu palmarès. Maintenant, on va passer au palmarès, à la liste des produits d'infopublicité les plus vendus dans le monde, Steph. Cool. En fait, dans le monde, aux États-Unis. Le seul monde important, évidemment. J'aime ça, j'ai toujours été fan. De produits infopublicitaires? Surtout de l'infopub. Oui, les regarder. Acheter les produits, c'est rarement très concluant. Non, c'est ça. Et autres. Donc, on est tous passés par là. Dans la nuit, on voit les infopublicités. Même le jour de nos jours, c'est rendu quand 2-3 sitcoms ou émissions de Judge Judy. Ils vendent des produits parce que, quand même, il n'y a rien de mieux à faire à la TV que de vendre des produits. Hein. Donc, on commence avec le Proactive. Revenu annuel de 1 milliard de dollars. T'as peut-être vu ces publicités-là avec Jessica Simpson, entre autres. Donc, le système anti-acné Proactive qui a fait un long bout de chemin depuis sa création en 1995. Les porte-parole étaient à l'origine les créateurs Dr. Kathy Fields et Dr. Katie Roden, ainsi que Judith Light, qu'on connaît sous le nom d'Angela dans Madame est servie. Avec Tony Danza, ça se rappelle pas de Madame est servie, trop jeune. Je connais pas trop ça. Jeune. Donc, la crème à boutons, aujourd'hui, fait, comme je disais, 1 milliard de dollars annuellement. Et profite de vedettes comme Jessica Simpson, Britney Spears, P. Diddy, Justin Bieber et Katy Perry. Hein? Quelques-uns des noms qui se sont mérités, entre guillemets, de 2 à 3 millions de dollars par pause publicitaire, par infopub qu'ils ont fait. Ça aide la compagnie à compétitionner au niveau financier avec d'autres grands manufacturiers comme Estée Lauder et Johnson & Johnson, une entreprise familiale. Comme ils disent. Mais oui, je me souviens de cette infopub-là. Ça fait longtemps, me semble. Ah, oh, ça roule depuis super longtemps, 95, mais ça a l'air miraculeux, tu sais. La façon qu'il en parle, c'est comme un miracle. Ben oui, mais les infopubs, ça a tout l'air de miracle. Tellement. Par exemple, peut-être le P90X. Avec 400 millions de dollars de revenus annuels, tu connais le système d'entraînement, le P90X, ou peu importe. Non. Déjà entendu parler vaguement, mais je sais pas c'est quoi. Il y a plusieurs versions de ça. Donc, c'est l'humoriste stand-up. Oui, oui, c'est un stand-up à la base, devenu entraîneur personnel Tony Harton, qui a 54 ans et qui a un corps de gars de la jeune vingtaine, on dirait. Donc, depuis 2005, le créateur du Hardcore P90X Workout change les corps et l'industrie des infopublicités. Il a transformé des athlètes professionnels comme Kurt Warner, qui est corps arrière pour la NFL. Le coulissier de Mitt Romney, Paul Ryan, a aussi utilisé P90X. Okay. Ils ont même fait des dérivés de P90X. Il y avait la version chrétienne qui s'appelle le Body Gospel. Il y a Tony and the Folks pour les personnes âgées. Okay. Et t'as Tony and the Kids pour les enfants. Voyons donc. Moi, j'aurais jamais... Je savais pas ça m'impressionne. Tony and the Folks pour les personnes âgées. Wow. Ensuite, on reste dans l'entraînement avec le Total Gym, avec des revenus au total jusqu'à maintenant de 1 milliard de dollars. Le plus grand film de Chuck Norris jusqu'à maintenant, en 1984, Missing in Action, a fait moins d'argent, a fait moins de 23 millions au box-office. Et peut-être que les producteurs auraient dû le mettre avec la super modèle, la top modèle Christy Brinkley, parce que le duo, c'est eux qui font les promotions de Total Gym, toi, ce qui a mené à 1 milliard de dollars. Donc, Christy Brinkley et Chuck Norris, pour Total Gym. Ensuite, le grill George Foreman. Ça, c'est connu même au Québec. Tout le monde a un grill George Foreman, on dirait. Je sais pas s'il était en spécial au Tigre géant ou quoi, mais tout le monde a ça. Même la chasse avait ça avant. Je pense que c'est ça qu'on a à la maison. Tout le monde a ça, je te l'étudie. t'en as un, tu le sais même pas. Tu sais? j'ai un grill sans le savoir, c'est autant à quelle avis. Le champion de la boxe, George Foreman, n'a absolument rien à voir ni avec la conception, ni avec le design de ce grill-là. Ça avait absolument rien à voir. Mais il a vendu son nom à cette machine qu'on appelle en anglais « Lean Mean Fat Reducing Machine », donc la machine à réduire le gras, ce qui lui a fait 137,5 millions de dollars en 1999 à ce monsieur George Foreman-là. Wow. Ce qui est une fraction de la valeur totale de la compagnie. Depuis son début en 1994, plus de 100 millions d'unités de différentes grandeurs ont été vendues, ce qui donne un revenu annuel de 202 millions. Wow! Bravo d'avoir vendu ton nom, George. Et pourtant, n'importe quel autre grill fait la job, c'est... Mais est-ce que ça ramasse le gras dans une fente spécialement conçue? Oui, probablement tout. Ben oui. Pour tout ça. Mais il n'y avait pas de vendre les avantages particuliers du grill George Foreman, alors que tous les autres ont aussi ces avantages-là. Oui, mais peut-être qu'il y avait un brevet jadis et maintenant, ils sont tous pareils. Non, moi, je fais juste mes grilled cheese là-dedans. J'ai pas de gras qui coule. Non, mais c'est ça. De toute façon, si tu veux voir quelqu'un qui a du gras à redonner, c'est bien George Foreman, c'est ça. Cool. Ouais, qui coule, je sais pas s'il coule. En tout cas, il le sue, ça c'est sûr. Le beau flex est en cinquième place sur cette liste dans un ordre complètement aléatoire. Donc, avec des revenus annuels de 193,9 millions, on revient en gym un peu. Hein, donc, ça reçoit maintenant beaucoup de compétitions, ce beau flex-là. Évidemment, de la part de P90X, entre autres. Même si P90X, il n'y a pas d'équipement à avoir, alors que beau flex, c'est un équipement d'entraînement présenté pour la première fois en 86. 2,5 millions de maisonnées ont acheté cette machine jusqu'à maintenant. 193,9 millions pour la compagnie en 2012. C'était une amélioration oui, de 7,5% par rapport à l'année d'avant. Quand même. Ouais. Tu connais notre ami Ron Popeil? Ron Popeil qui annonce les trucs de smoothie à la télé, hein? Non? C'est un vieux monsieur qui est super en forme, non? Je dois connaître sa face. Sûrement, si, ouais, sûrement que tu connais sa face parce qu'il est tout le temps, dans toutes les infopubs, doublé en français rapidement par une gang de doubleurs boboches. C'est le slogan « Set it and forget it ». Est-ce que ça dit quelque chose? Donc, réglez-le et oubliez-le. On voit ça souvent dans les infopubs. C'est la Showtime Rotisserie pour faire votre propre gros poulet de rôtisserie. Hein? Évidemment, ça a créé, ça donne tout plein d'argent à son créateur Ron Popeil et son inventeur et son porte-parole. Plus de 2,5 millions d'unités vendues pour un total de 1,2 milliard de dollars pour la Showtime Rotisserie. Ça, ouais, y en a. Je l'ai vu, puis on dirait que c'est la même qui roule depuis les années 90, c'est ridicule. Le PEDEG maintenant, celui-là m'a toujours fasciné comment les gens achètent ces produits-là. Le PEDEG, un total de 450 millions de dollars, c'est celui que tu te passes en dessous du pied. Donc, pour enlever les cellules, les peaux mortes, les trucs comme ça, en dessous de tes pieds. C'est vraiment dégueulasse. L'infopub montre les microbes et les affaires sortant de ton pied. C'est juste pas très beau. Donc, 40 millions de personnes se sont dit « Ben, je vais acheter ça, moi. Ça a l'air d'une bonne idée. » Donc, le produit est à 10$ par truc, par morceau. Donc, ça a fait de l'argent très rapidement pour cette compagnie-là. 450 millions au total. C'est PEDEG. Évidemment, on ne peut pas oublier le Snuggie. Ben non, avec un total d'environ 400 millions de dollars. Snuggie qui n'a pas inventé la couverture avec des manches. En fait, ça va aux gens de chez Slinkette. Moi, j'aurais vraiment pensé le contraire. J'étais sûr que Snuggie était là avant. Parce que Slinkette a l'air d'une pâle imitation du Snuggie. Okay. Mais non, le Slinkette était là avant, quand même. Mais c'est Snuggie qui l'a popularisé avec une série d'infopublicités des plus risibles. Tout le monde a fait des parodies de ça sur Internet. Ça ne joue pas d'ailleurs. Plus de 20 millions de Snuggie qui ont été vendus jusqu'à maintenant. On ne sait pas si les gens s'en sont servis énormément, mais quand même. C'est surtout vendu, entre autres, comme on le voit dans les infopublicités, aux fans de sport qui vont aller voir des matchs lorsqu'il fait froid dehors. Truc comme ça. Hein? Mais voyons. On l'a vu. Oui, oui. Je vois zéro l'intérêt d'avoir ça. Non, une robe de chambre à l'envers. Mais mets-toi une robe de chambre. Mais les manches sont plus longues. Peut-être. Puis si t'achètes du popcorn, tu peux juste aller sur le balcon et secouer le popcorn. Je sais pas. Non. J'en ai un chez nous, c'est pas un vrai Snuggie, là, mais j'ai reçu ça. Même pas un Slinkette non plus, c'est aucun des deux. J'ai aucune idée, non? C'est quoi, c'est un Rossi, genre. OK. Puis je m'en suis juste jamais servi. Ouais. Peut-être une fois, j'ai fait comme c'est de la merde. En plus, elle est même pas assez épaisse pour te garder au chaud. Tu sais. C'est fait pour un climat américain. Climat américain. En avril 2010, les fans des Los Angeles Angels, une équipe de sport, ils ont établi tu vois comment je suis précis dans mes histoires? Une équipe de sport, Steph. Donc, ils ont établi le record Guinness avec plus de 43 000 spectateurs qui sont présentés à la partie avec leur Snuggie sur le dos et le ventre. Oh! 43 000 personnes. On a parlé tantôt de Tony Horton, le gars de P90X, qui faisait des trucs d'entraînement pour les personnes âgées. C'est pas le même genre de choses, mais moi, ça me rappelle ça parce que c'est Sweat Into the Holdies qui a fait approximativement 200 millions de dollars. C'est les compilations de musique pour s'entraîner, dans le fond. OK. T'sais? Donc, c'est Richard Simmons, le célèbre Richard Simmons. Tu le connais, lui, un peu? Non. Gros bonhomme. Tu connais pas Richard? Mais je connais pas les noms. Oh. Arrête de me demander les noms. Je les connais pas. Mais va voir Richard Simmons. C'est le plus drôle de la gang. En tout cas, Richard Simmons. Mais la vidéo marche même pas. C'est mon héros. En la tout cas. Vidéo marche même pas. Donc, il était parfait pour ça des années 80. Donc, il a commencé à porter ses petites shorts de baisse serrée. Et dans plus de 20 millions de salons partout dans le monde, les gens s'entraînaient, faisaient de l'aérobie sur des chansons classiques. Ben, mettons, classiques. Clichés commerciales de ces années-là. Et donc, tu peux danser là-dessus avec Richard Simmons, qui, j'espère, aussi vous le chercherez sur Google, deviendra votre nouveau héros. Non, pour vrai, il a même joué dans les... Il a participé à Whose Line Is It Anyway, l'émission d'improvisation avec Drew Carey dans le temps. Il est très drôle, ce gars, Richard Simmons. Et finalement, le Thigh Master, un autre équipement d'entraînement annoncé par Suzanne Summers, qu'on connaît pour Three's Company, la sitcom. Donc, c'est elle qui annonçait ça. C'est le truc qu'on se mettait entre les genoux et qu'on faisait des compressions des genoux pour s'entraîner les jambes. C'était ça le Thigh Master. Vente totale de 100 millions de dollars. C'est on appelle ça l'entraînement du papillon. Genre. Bref, plus de 10 millions de personnes qui ont acheté ça et ça donne 100 millions de dollars en argent. C'était la liste, selon Mental Floss, des produits d'infopublicité les plus vendus, les plus populaires. Hey, je peux te chialer sur le dernier, le Time Master? Ben, mais hein? Mais c'est parce que ça, là, ça te fait juste travailler un bord des cuisses. Ah ouais? Faut que tu travailles l'autre bord des cuisses. OK. Parce que si tu fais juste forcer par en dedans, ouais, t'as juste... je pourrais même pas dire lequel qui force, ça doit être celui à l'extérieur. Mais si tu veux travailler l'autre, faut que tu pousses vers l'extérieur. Puis tu dois toujours travailler les muscles antagonistes. Quand tu travailles un muscle, faut que tu travailles le muscle inverse. Sinon, tu crées un déséquilibre dans ton corps, mais ça fait juste travailler un bord. Puis sinon, t'as bonne option d'entraîner aucun des deux bords. Ben ça, t'es sûr, ça va être... c'est égal au moins. Équilibre. Moi, je suis même, c'est équilibré. Équilibré. Ouais, ouais. C'est vraiment important. Donc voilà pour son foutu palmarès. Les liens sur assemblagerequis.com. On est dû pour une pause. Mais moi, j'aurais aimé ça qu'on parle du Magic Bullet, puis... Ben j'avoue qu'il manquait des affaires là-dedans, clairement. Mais j'imagine que c'était pas aussi vendeur, puis ça doit pas faire aussi longtemps que c'est sur le marché. Ben c'est ça, là, on parle de produits qui sont là depuis le milieu des années 90, certains, donc quand même, ils ont eu le temps de se faire pas mal plus d'argent là, ton Magic Bullet. On prend une pause au retour, ça va être... on a deux choses, on a une grosse pointe en dresse, et on a les paroles des autres dans la prochaine demi-heure. Ça s'en vient là, puis après ça, ça va être sa plus simple expression. Malade. Fait qu'une bonne heure d'assemblage requis s'en vient. Restez là. Fou de trouvailles. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Nous sommes le mardi 18 novembre 2014 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ouh. Dans quelques instants, une grosse pointe à l'adresse. On va goûter à un produit acheté dans le commerce. Vous aussi pourrez goûter avec nous. Tu l'as pas volé? L'as acheté cette fois-ci? Je l'ai acheté. C'est rare. Toi, tu nous fais des recettes dans Master Steph. Ça demande de l'effort. Moi, vous pouvez aller chercher ça au dépanneur, au magasin, à l'épicerie. C'est bien simple. Et ça s'en vient dans 2 minutes à peine. Plus tard, on aura aussi les paroles des autres pour écouter une chanson thème d'une chronique ou d'une émission dans l'univers Mathieu Plante. Et sa plus simple expression s'en vient dans une demi-heure environ. Pas mal, ça. Pas mal, une demi-heure. Ouais. Mais avant ça, une pièce de Century Palm. Je sais que tu l'as aimé. C'était dans ton poste d'écoute la semaine passée. Donc, écoutons l'extrait To the Ether tout de suite au 89.1 FM.

ses brunettes, les allumettes, mais quand tu pètes, mais comme une allumette qui m'allume ma messe. J'en ai comme, j'm'assume, me fous de ce qu'on présente. Mais ça n'a plus de pigeux, je l'ai jamais toute forme de coups de sonne posé par la plume. Yeah, oh, c'est parce que j'dans la bombe, parce que j'trippe ses feuilles, tu presses les jambes. J'en vois l'Amazonie dans le son de ta cascade. Le mystère est dans l'univers, mes fantasmes qui m'emmènent pour que j'en vienne jusqu'au stas. C'est les Nice, bienvenue, c'est Chris, le vice, comme le vieux film de cul des années 70. La chanson thème de la chronique, une grosse pointe dans le dress. C'est moins fin. Un peu moins fin. Pour ceux qui n'ont pas écouté les paroles nécessairement, parce qu'il y avait un petit filtre sur la voix qui pouvait cacher, un peu masquer toutes les nombreuses vulgarités, retrouvez les paroles que j'ai postées sur assemblagerequis.com. C'est la chanson Pointe dans le dress par le groupe Gatineau sur l'album Gatineau, sorti en octobre 2007. Encore une fois, pour un public averti, l'écho de cette chanson-là, mais une fois qu'elle est écoutée, vous avez déjà été averti, fait que ça sert à rien de vous. Mais assemblagerequis.com, et on fait les paroles des autres. Pour l'instant, je pense qu'on va le faire régulièrement, Assemblage Requis. Ben oui. Sous format de série limitée. On a tellement eu de nouvelles chroniques depuis les derniers mois qu'on peut se permettre de faire ça, genre une bonne dizaine en banque. Cool. Les paroles des autres, où on explore un peu les chroniques et émissions de l'univers Mathieu Plante. On va prendre une pause ici et au retour, ce sera sa plus simple expression, la chronique sur les expressions de la langue française. Je suis prête. T'es prête? Je suis prête. Ça s'en vient dans 3 minutes environ, ou certains diraient 2 instants? Certains diraient trop souvent 2 instants, en fait, je le dis beaucoup trop souvent. Fou d'exotisme. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Tiens, justement, la mormone, est-ce que tu as envie de... On va arrêter ce gag-là. De faire la chronique sur les expressions de la langue française. Voici sa plus simple expression. Ouh, sa plus simple expression. La chronique dans laquelle j'essaie de vous expliquer... On essaie de comprendre ensemble d'où ça vient, ce qu'on dit, hein? Pourquoi on dit ça, de même? Et t'essaies et tu réussis, en fait. La plupart du temps... Un vrai succès. D'accord. C'est vrai? C'est même pas sarcastique, ça a l'air tellement sarcastique. Bref, toi, là, des fois. Ouais, c'est dur à dire, mais bon. C'est peut-être moins un succès pour toi quand t'essaies de deviner la signification des expressions que je propose. Ah, à date, j'ai sûrement un point dans l'histoire. Par inadvertance. Complètement, oui. Écoute, ma petite thématique cette semaine, je suis allée avec ça fait mal. Ça fait mal. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Oui, c'était ça va mal. Ouais. Donc, c'est avec la signification de l'expression, okay. Soit avec des mots, soit des verbes ou des objets qui sont utilisés dans les expressions, quelque chose qui fait mal. La douleur. Genre. Ouais. Donc, on commence tout de suite avec un premier, et c'est « passer à tabac ». Passer à tabac, ça, c'est quand tu... Ben, évidemment, il faut cracher du tabac, donc c'est avec un joueur de baseball, je pense, ça rapporte avec un joueur de baseball. Mm-hmm. C'est quelque chose avec sa mythe, donc tape dans mythe. Des fois, ça, c'est un euphémisme sexuel aussi, tu vas taper dans mythe. Donc ça, j'imagine que c'est quand tu fais des choses avec ta langue à l'autre personne, et que, Caroline, t'as du tabac dans la bouche, fait que ça fait comme tout un tabac. T'as du tabac dans la bouche, fait que là, ça y brunit le. Ouais. Hi, c'est un peu trash, ah, hein, ouais. Matin. J'avais averti le public tantôt, je crois. Bon, on avait averti pour la toune. Ah, c'était pas. C'était pas jusqu'à la fin de l'émission. Pour toujours jusqu'à temps que je dise qu'on ne s'est plus averti. Mais non. J'étais sûr que. Donc, en fait, passer à tabac, c'est rouer de coups. Donc, si on compare la forme passer à tabac avec passer à la moulinette ou bien passer au fil de l'épée, donc passer A prend bien le même sens. On se demande si le tabac, hein, T-A-B-A-C, de notre expression, a bien un lien avec ce qui a d'abord été considéré comme une herbe médicinale. Donc, il se trouve que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, si cette expression ne date que du dernier quart du 19e siècle, son origine remonte au radical T-A-B-B, qui exprime l'idée de frapper et qu'on trouve dès le 13e siècle dans des dialectes du sud de la France ou dès le 15e siècle dans plusieurs verbes dont tabuster, qui voulait dire battre ou frapper. C'est avec ce radical qu'un tabac, T-A-B-A-S, argotique est apparu. Donc, il va donner entre autres l'apparition du verbe tabasser au début du 20e siècle. Vite remplacé par tabac, mais T-A-B-A-C, par croisement avec le nom de l'herbe, mot qui a au tout début du 19e siècle, qui a désigné une volée de coups. Ouais. Ce qui suffit alors à expliquer l'usage de ce tabac-là avec passer A, au sens de soumettre à l'action de. Donc, rôle qu'aurait eu du mal à remplir le tabac roulé ou à chiquer, bien entendu. Ensuite, en fait, là, c'est pas vraiment quelque chose qui fait mal. Donc, déjà, je déroge ça a pas été long. De mathématiques, mais seulement pour celui-là. Je me suis dit, c'est ma chronique. Je vais donc, trouver une façon que ça fasse mal, tu sais. Non, mais c'est ma chronique. Je fais ce que je veux. Mais en fait, c'est juste parce que c'était un peu en continuité avec le précédent. Donc, je voulais quand même. Une ligne directrice, quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis dit, c'est le bon moment pour l'expliquer. Donc, faire un tabac. Faire un tabac. Ouais. Ben ça, c'est dans quel pays est-ce qu'ils squattent pour faire leurs besoins? Dans plusieurs. C'est ça, ben ça, c'est quand tu fais un tabac, c'est parce que t'es vraiment accroupillé. Ah, oh, mais ça, c'est quand tu vas dans le bois, par c'est exemple, dans le plein air, Charles-Antoine Rioux. Oui, mettons Charles-Antoine Rioux, un chroniqueur. Lui, il fait un tabac. Oui, il fait un tabac. Un tabac, c'est dit. En fait, faire un tabac, c'est obtenir un franc succès. Donc, ben c'est ça, ce que j'ai dit. Jackpot, t'as réussi? Donc, en fait, l'origine de cette expression qui est attestée à partir de 1970 n'est pas certaine. Donc, elle est à rapprocher de « avoir le gros tabac » qui, au début du 20e siècle, signifiait « être très applaudi pour un comédien de théâtre ». OK, OK. Donc, outre celui... J'imagine l'ours l'applaudir dans le bois, Charlotte. Oh, il veut juste être là pour se défendre. Donc, outre celui du tabac à priser ou à fumer, le mot tabac a eu de nombreux sens depuis le début du 19e siècle. Donc, on en retrouve une partie dans l'élocution « passer à tabac », hein, « roué de coups » dont on a parlé tout à l'heure, et « un coup de tabac » qui est un orage soudain qui malmène un bateau en mer. Donc, il semble que l'origine de ces deux tabacs soit issue des formes occitanes « tabassa » ou « tabasta » pour frapper un grand coup, cogner, mais aussi faire du bruit. Donc, fond qu'on retrouve maintenant dans « tabasser », et c'est le tabac T-A-B-A-S qui, par homonymie, aurait été confondu ensuite avec tabac T-A-B-A-C. Donc, si l'étymologie se trouve bien là, alors c'est que le bruit du tonnerre qui roule, donc celui du coup de tabac, a pu être comparé à la salve d'applaudissements que reçoit celui qui fait un tabac. Donc, pour ceux qui ont suivi, de ne pas oublier que tabassa, c'était aussi faire du bruit. Donc, on peut aussi penser au coup donné avec le pied pour accompagner les applaudissements. Et faire un maximum de bruit pour montrer la haute appréciation qu'on a eue de la pièce. Cette hypothèse est renforcée par le fait qu'une claque, en langage de théâtre, était un ensemble de claqueurs, des gens payés pour applaudir. Et les applaudissements sont bien une succession de claques, donc de coups, de ceux qu'on peut donner à quelqu'un qu'on passerait à tabac. Donc, il y a vraiment un lien entre passer à tabac et faire un tabac. Ah ben, et quand tu passes le tabasco aussi, il faut te donner une petite tape derrière. Soit ça tombe pas de la bouteille. Top, top, top, top, top. Savais-tu que c'est la pire chose à faire, par exemple, avec du ketchup, une bouteille en vide, de taper en dessous pour le faire descendre? En fait, ils ont testé ça à une émission scientifique. La meilleure façon, en fait, si tu tapes sur le fond de ta bouteille en verre pour faire sortir le ketchup va remonter. Oh! Donc, c'est encore pire. La meilleure façon, c'est de prendre peut-être un long cure-dent en bois ou quelque chose de long en bois. Tu vas brasser dans ta bouteille Et là, ça va couler comme de l'eau. Wow. Parce que le ketchup a la particularité de comme devenir liquide et de reprendre une forme visqueuse un peu plus... Un petit peu. Ouais, donc la meilleure façon, c'est de le brasser. Il va couler tout seul et voilà. Génial. Et si vous aimez des conseils comme ça, écoutez la chronique Master Steph les mercredis à Sondage Requis. Clin d'œil. Je vais la refaire demain. Okay. Ensuite... on retourne à ça fait mal. Un coup de fil. Ben, ça fait peut-être pas nécessairement mal un coup de fil, mais un coup, ça fait mal. Donc, un coup de fil. Ben oui, voilà. Ben, ça, c'est une des techniques de Gian Gomeschi, l'animateur de CBC, qui s'est fait renvoyer pour trucs sexuels. Je pense que tu faisais des fils comme ça. C'est ce qu'on me dit, c'est des rumeurs. Ah. Ce n'est que présumé. On sait pas. En fait, un coup de fil, c'est un appel téléphonique. Hein? Ah. Donc, je sais pas si tu connais, bien sûr, Mathieu, le téléphone qu'on fait, peut-être quand on était jeune, peut-être que tu as fait ça, tu prends deux boîtes de conserve que tu vas attacher avec un fil dans le milieu et avec la tension du fil, tu peux vraiment parler dans la boîte de conserve et tu peux écouter aussi. T'as plusieurs modèles, t'as la boîte de cam aussi qui a comme une réverbération différente, tu peux essayer plein de sortes de cam. Boîte de Pringle, peut-être. Un pot de yogourt. Ah oui. Donc, vous venez de réinventer le téléphone. Hein? La parole est ainsi transmise par les vibrations de la ficelle, produite par celle du pot dans lequel on parle, puis reproduite à l'autre extrémité par l'autre pot. Assez fascinant comme système. Donc, ce faisant, vous venez également de passer un coup de ficelle. Plus simplement, un coup de fil à quelqu'un que vous aviez au bout du fil. Il faut se souvenir qu'avant qu'apparaissent nos téléphones portables hein, fonctionnant via les ondes, la téléphonie passe uniquement par des fils de cuivre et sur des distances autrement supérieures que celles que notre misérable ficelle permet. C'est ce fil électrique, le lien entre deux interlocuteurs, qui est à l'origine de notre coup de fil. Quant au mot « coup », ce n'est bien évidemment pas au sens de « action qui frappe quelque chose ou quelqu'un qu'il faut le prendre », mais au sens d'une action avec un instrument, comme dans un coup de volant ou un coup de pinceau. Donc, la date d'apparition de cette expression n'est pas connue, mais compte tenu de celle de l'invention du téléphone, on supposera sans grand risque de se tromper qu'elle est postérieure à la fin du 19e siècle. Mm-hmm. C'est logique. Ensuite, tirer ou retirer son épingle du jeu. le grand jeu de société qu'on appelle l'entregent féminin. Donc, des fois, tu dois retirer ton épingle de ce grand tableau d'œuvre d'art qui est... L'entregent. Écoute, Mathieu, je crois que tu vas être très surpris. D'avoir raison, je te gage une autre fois. Parce que, peut-être pas raison, mais t'es sur une bonne piste. Parce que, tu sais, une aiguille, là, ça va dans une pelote de laine. Ça, j'ai dit. Donc, tirer ou retirer son épingle du jeu, c'est se dégager adroitement d'une situation délicate ou se retirer à temps d'une affaire qui devient mauvaise sans y perdre de l'argent. Donc, cette expression date du 16e siècle. Avec notre compréhension usuelle des mots de cette expression, on se demande dans quel jeu de société pouvait bien y avoir une épingle à retirer et comment ce jeu a pu être suffisamment influent pour provoquer la naissance d'une telle expression. Eh bien, à cette époque, il existait pourtant bien quelques jeux d'enfants principalement où des épingles étaient utilisées. Donc, en particulier depuis le 15e siècle, un jeu de jeune fille où une balle rebondissant sur un mur permettait de faire sortir un cercle tracé au sol certaines des épingles que les joueuses y avaient placées. Moyennement sécuritaire, nous dirait-on, en faire sortir au moins la sienne était une bonne chose. Donc, si le lien avec un tel jeu est probable, cela ne suffit pas à expliquer complètement le sens de l'expression. Pour ça, il faut probablement élargir le sens du mot. Donc, tirer, c'est aussi extraire, retirer comme dans se tirer d'affaires, qui est au sens très proche. Et le jeu n'est pas forcément ludique. Donc, mettre quelqu'un en jeu, c'est le mêler à une affaire, à son insu. Et être en jeu, c'est être mis en cause, être l'objet d'un débat. Donc, ce sont ces autres acceptions des mots qui composent l'expression qui permettent d'en comprendre les sous-entendus lorsqu'elle n'est plus seulement lue au premier degré. Et puis, il ne faut pas oublier les connotations érotiques de cette époque où épingle désignait le pénis. Bah! Donc, il fallait que les jeunes filles se méfient de la piqûre d'épingle. Alors, en l'absence de moyens de contraception plus efficace que le préservatif qui était brodé hein, par la maman. Peut-être était-il important pour un homme en action de retirer son épingle du jeu avant de prendre le risque d'engrosser sa partenaire et de devoir en subir les conséquences financières, hein, parce qu'on parle de se retirer avant une perte d'argent. Un enfant, ça coûte cher. Ouais. Ensuite, je vais dire que, un, c'était super intéressant. Deuxièmement, si l'entre-jean était un jeu de société, quel serait son nom? OK? Fait que là, moi, j'en avais sorti, je pense que j'ai Serpents et Échelles. J'ai Sorry. Alors, en tout cas, c'est pas mal tout ce que j'avais. Je te dirais qu'il y aurait le Yomi. Yomi. Yomi, c'est bon. Yati, je pense. Yadzizi, oui. attends un peu. Monopoly, parce qu'on est dans une situation, mettons, de couple. Ah, mono, ouais, ouais. Juste Destin, ça. Destin. Ça peut y aller. The Game of Life. C'est le jeu. Ouais, de la ouais. Vie, ouais. Back. Non. Back. T'as. T'as Opération. Opération Force Soleil. T'as. Hungry Hungry Hippo. Ça, c'est le petit hippopotame que tu faisais. Il devait aller chercher les petites boules là, dans le milieu. Oh, wow. Trouble. Trouble. Trouble, oui. Hein? Call of Duty. Mario Party. OK, non, ça va faire. Bon, merci, c'est tout. C'était ma parenthèse. J'étudie Guess Who. Y a-tu une moustache? Y a-tu un goût? Je pense que je pleure. Suivant. Mordre la poussière. Ça, c'est quand tu fais quelque chose de sexuel avec une personne très, très âgée. Âgée. Ouais, c'est oh. Tu souffres un peu avant. Mordre la poussière, c'est être jeté à terre au cours d'un combat. Donc, par extension, être vaincu. Donc, origine. Ceux qui ont déjà eu la chance hein, d'avoir du sable ou de la poussière dans la bouche savent que ce n'est jamais volontairement ou volontiers qu'on mord la poussière, parce que c'est dégueulasse. Donc, si ça nous arrive, c'est soit involontairement à la suite d'une chute, soit parce qu'on a voulu ou été contraint de se frotter à plus fort que soi et que ce malautru nous a précipité la tête la première à la rencontre du plancher des vaches. Si cette expression est très ancienne, la métaphore est parfaitement compréhensible et les combats de lutteurs avaient souvent lieu sur des terrains de sable ou de terre poudreuse. Son sens étendu ne semble être utilisé que depuis le 17e siècle, époque où on utilisait également « mordre la terre ». Mais vu ce qui nous en reste aujourd'hui, cette dernière a visiblement mordu la poussière. Ensuite, chercher une aiguille dans une botte de foin. Botte, c'est évidemment B-U-T-T. Hein? Donc, botte de foin, ça, c'est quand t'as. C'est quand tu. Les fesses piquantes. Quand t'as des fesses piquantes, c'est exact. Ouais, et que tu fouines là-dedans, comme tu chercherais dans. C'est une sorte de cowboy et de cowgirl, je pense. Mais en fait, chercher une aiguille dans une botte de foin, si tu parles vraiment de botte B-U-T-T, ça, c'est peut-être quand tu te rends un objet qui devrait pas aller là. Ah! Puis là, ben, faut que tu trouves l'objet dans la botte. Parce que là, faut t'aller à l'hôpital. T'es comme, disons... encore une fois, blague pour un public averti. Virgin Diana Jones. Ouais. Ah. Ça vole pas très haut, aujourd'hui. Bref, chercher une aiguille dans une botte de foin. La date d'apparition de cette expression n'est pas connue. Mais Madame de Sévigné l'emploie en 1652. Mais il est probable qu'elle soit antérieure. Donc, quant au sens, l'expression contient une image suffisamment limpide. Hein, donc, quiconque qui a déjà tenté de retrouver une personne perdue dans une foule ou chercher une information pertinente sur Internet, s'est vite rendu compte qu'il a entrepris une tâche aussi difficile que de tenter de retrouver une véritable aiguille de couture tombée au beau milieu d'une botte de vrai foin. Donc, l'analogie est tout simplement assez évidente. Ensuite, battre son plein. Battre son plein à plein et une façon... Quand t'es vraiment, t'as beaucoup mangé. Donc, c'est un jeu sexuel où les deux personnes mangent, mettons, de la crème fouettée, des cerises, des affaires comme ça, puis après ça, ben, ils s'talochent la bédaine. C'est battre le plein. Ouais. Ah! OK. Donc, battre son plein, c'est arriver à son moment le plus intense, être à son point de plus grande activité. Donc, au milieu du 19e siècle, et au sens propre, cette expression se rapportait à la marée, qui, lorsqu'elle avait atteint son point le plus haut, restait un moment stable avant de commencer à redescendre. Au sens figuré, certains, à cause du verbe « battre », ont compris « son plein » comme une sonorité pleine ou forte. Donc, en réalité, il ne s'agit pas ici d'un adjectif, mais bien du substantif « plein », donc le niveau le plus haut, comme le plein d'essence pour la voiture ou le plein d'essence en cas d'extase. Donc, lorsque la fête bat son plein, ce n'est pas qu'elle est bruyante, mais qu'elle est bien à son plus haut niveau d'intensité. Ah. Ensuite, avoir sa claque. ça, c'est les claques, c'est les trucs qu'on met par-dessus les bottes, hein, je pense, l'hiver, pour empêcher de faire des traces. Des claques. C'est ça. Et c'est aussi, je crois, un autre nom pour un condom. Ben, si tu tires dessus sa claque. C'est ça. En fait, avoir sa claque, c'est en avoir assez, ne plus rien pouvoir supporter. Donc, ici, la claque n'est pas simplement la gifle. Au 19e siècle, en avoir sa claque, c'était être rassasié. Ouh. Donc, dans cette expression, la claque a un sens de mesure. Donc, avoir sa part, avoir son compte, avoir sa dose. Le dépassement de la mesure est renforcé par l'intensité du geste violent ou du coup qu'on associe généralement à l'onomatopée « claque ». En Picardie, une claque désigne une bonne mesure de lait et claquer a le sens d'abondance. Ah ouais? Ouais. Eh ben. Ensuite, tomber à pic. ça, c'est des fakirs, je pense. Hein? OK, OK. Qui, eux, ben, évidemment, comme ils font tout sur des tapis de clous, ben, leurs relations sexuelles sont aussi sur des clous. Donc, des fois, ils tombent à pic. Et puis, ça peut créer des douleurs à différents endroits. D'accord. En fait, moi, je te dirais que tomber à pic, c'est arriver, agir, survenir au bon. Donc, comme quelques autres expressions, celle-ci vient du jeu de paume, un jeu que je ne connais pas malheureusement, mais on nous explique qu'un point particulier à ce jeu s'appelle la chasse-pic. Donc, lorsque la balle tombe à un endroit précis du terrain. Le fait de réaliser ce point à certains moments décisifs de la partie assure un avantage au joueur qui le marque. Donc, quand la balle tombe à pic, elle permet de marquer le bon point au bon moment, tout simplement. Ensuite, de plein fouet. Plein, encore une fois, c'est rassasié à son plein, j'imagine. Fait que t'es vraiment rempli, t'as eu toutes les relations qu'il te fallait, tu te sens rassasié sexuellement. Ah, t'es vide dans ce temps-là, ben, t'es, non, pour mais, un homme. Ouais, c'est ça, t'es vide, mais ouais, dépendant de quel bord tu regardes ça, t'es plein, fait que tu dis « Ah, non, une autre fouet! » Une autre fouet, plein fouet. Ah, oh boy! Ouais, c'était recherché quand même, mais pas très drôle. Ouais. Ouais. De plein fouet, c'est de front, de face et violemment. Donc, cette expression nous vient du milieu militaire, où à l'origine, elle voulait dire horizontalement, en parlant d'un tir direct visant un objectif visible. Donc, elle était inspirée par l'ancienne locution de plein, P-L-A-I-N, hein? Du latin planus, qu'on retrouve, par exemple, dans de plein pied. Okay, qui voulait dire directement, sans obstacle, mais aussi de toute sa force, contaminée par l'homophone de plein, P-L-E-I-N, wow. Qui est plutôt du latin plenus, qui suivi d'un substantif et dont la signification était de toute la force de. Donc, il y a comme eu une erreur d'homonymie là-dedans. Donc, dans le sens figuré actuel de l'expression, le fouet indique bien la violence et la très courte durée de l'impact. Génial. Et finalement, j'ai gardé le meilleur pour la fin, je crois. Un fesse Mathieu. Est-ce que je veux m'inclure là-dedans? C'est sûrement pas moi, Mathieu. Ben oui. C'est moi, Mathieu? Oui, moi. En fait, mon hypothèse, c'était lors de tes jeux sadomasochistes. Okay. Oh, je peux vous laisser imaginer le reste. Ouais. Ça pourrait aussi être mon surnom, parce que mon nom de famille, c'est Plante, c'est comme planter quelqu'un, puis fesse. Ou ça pourrait être tout simplement, t'es tellement désagréable qu'on a le goût de faire un fesse Mathieu. C'est comme arrête de faire des blagues sexuelles sur chacune de mes expressions à chaque semaine. C'est ça que tu me dis, là. T'es tanné de ça. Donc, un fesse Mathieu, c'est un usurier, un avare. Oh! Mais si de nos jours, la fessée est souvent considérée comme devant être interdite, il est incontestable qu'autrefois, de nombreux pères ont fessé leur Mathieu de fils. Donc, on pourrait donc être en droit de se demander comment, en partant d'une fessée donnée à un Mathieu, on peut arriver à la notion d'usure ou d'avarice. D'abord, il faut savoir que, littéralement, okay, ce terme pourrait se comprendre comme « celui qui bat Mathieu avec des verges ». Pas sa propre verge, parce que ça, c'est un peu trop violent. Non, mais pour avoir... en tout cas, c'est quand même une drôle d'image. Oui. Mais me direz-vous, voilà qui est loin d'éclairer la chose, certes. Alors, poussons un peu plus loin. D'abord, il faut préciser que les verges ne sont rien d'autre que des baguettes servant à frapper. Oui. Il est rare que la verge, dans son autre acception, ait un tel usage. Ensuite, le terme « fesse » employé ici ne vient pas non plus de dessous la ceinture d'une des moitiés latérales du postérieur, verbe « fesser », qui, au 15e siècle, a d'abord signifié « battre avec des verges », tout simplement. Et c'est ce qui nous intéresse ici, même s'il avait aussi le sens de faire quelque chose à la hâte, comme on l'a trouvé dans Fespaint pour désigner un grand buveur ou dans Fescaillé pour nommer un copiste. Ce n'est que plus tard que le verbe, par rapprochement avec la fesse que nous connaissons, a pris le sens moderne. Venons-en maintenant à Matthieu. Moi, ça. Donc, il s'agit en fait de Saint Matthieu, l'un des 12 apôtres et accessoirement un des 4 évangélistes. Et c'est par ce qu'on dit qu'avant de se convertir, il fut prêteur, que les usuriers étaient appelés confrères de Saint Matthieu. Donc, si c'est dès le début du 16e siècle que Matthieu désigne d'abord un créancier, Fessé Saint Matthieu désignait pratiquer l'usure au 17e siècle. D'après Alain Ray, linguiste, il faudrait alors comprendre que le fesse Matthieu, celui qui fesse Saint Matthieu, est l'individu qui, pratiquant indignement son premier métier, mettait à mal la réputation de l'apôtre. Et comme la mise à mal pouvait s'assimiler au fait de battre, avec ou sans verge, selon tes désirs, cela expliquerait l'utilisation du verbe fesser dans son acception initiale. Wow! C'est voilà. Beaucoup d'informations. C'est super, le fun. Mais moi, je voulais vraiment... je tenais à dire celui qui bat Matthieu avec des verges. Oui! titre de l'épisode, bref. Merci, Steph. Ça peut être simple expression. C'est tous les mardis. On fait l'émission à 9h. Voilà! Et à la semaine prochaine pour ça. Nous, ça va malheureusement devoir être la fin de cette émission-là. Wow, déjà? Je vais te remercier d'entraîner mes capacités à improviser dans cette chronique-là. À chaque semaine, c'est un nouveau défi. Donc, on finit Assemblage requis là-dessus. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Oh. Ben ouais, c'est ça, c'est dommage. Mais bon, que voulez-vous? On va reviendre, voilà. Donc, restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, je serai là en direct pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À 15h, c'est la rediffusion de Rock Classique avec Alain Lefebvre. 19h, réanimation pour du métal et de l'horreur. 21h, progression chaotique avec du métal progressif. Sifu.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusion. On remercie absolument personne, sauf Danny Janvier. On merci pas Charles-Antoine Rioux. Non. Merci à toi, Steph Parazis. Merci à toi, Mathieu. Ça me fait plaisir. On se quitte sur une autre nouvelle entrée du palmarès francophone. Il y en a beaucoup cette semaine, des nouvelles entrées. Donc, ce sera les Marinelli avec Sous la lune, pièce-titre de leur plus récent album. On dirait des pâtes. C'est vrai. Les sauces rosées. Marinelli, sauce rosée. Et on se retrouve demain. Bye! Bye! Thank you.